Bien bonjour à tous. Bienvenue pour cette deuxième journée des rencontres philosophiques du Riage consacrée donc à l'art. L'art peut-il refaire le monde ? On avait hier vu un certain nombre, un petit parcours à travers différentes formes d'art, l'architecture, le théâtre avec les ateliers, la danse, évidemment beaucoup de choses. On avait vu ce que les arts pouvaient, la manière dont les arts comprenaient la question. On va se tourner peut-être davantage dans cette deuxième journée sur la philosophie, la manière dont la philosophie pense avec l'art. Donc il y aura un petit peu plus de philosophie peut-être aujourd'hui. Alors, avant de le présenter, je voudrais d'abord remercier vraiment chaleureusement Arnaud Sorosina d'avoir proposé ce matin une conférence qu'il a intitulée « L'art hors de lui-même, esthétique de la fiction et création de monde chez Nietzsche ». Il a proposé cette conférence il y a quelques jours seulement parce que nous avons appris que Jean-Marie Schaeffer, qui était initialement prévu, ne pourrait pas être présent à ces rencontres. Donc je remercie vraiment Arnaud pour avoir accepté de prendre cette conférence au pied levé. Mais ça nous donnera vraiment une belle occasion de penser avec Nietzsche que l'art est le grand stimulant de la vie. Donc finalement, je me réjouis aussi. Ça manquait au programme finalement. Peut-être c'est le destin ou la force des choses. Il fallait parler de Nietzsche. Alors Arnaud Sorosina est philosophe, professeur agrégé, il enseigne en terminale et en classe préparatoire au lycée Champollion. Il est aussi chargé de cours à l'université Grenoble-Alpes en histoire de l'art et esthétique. Et il est également membre du comité d'organisation des rencontres philosophiques du Riage et un membre très actif aussi de la Société Alpine de Philosophie. Il donne régulièrement des cours publics à Grenoble. Je vous invite aussi à aller suivre ses cours indépendamment de ces rencontres. Alors, spécialiste de Nietzsche, auquel il a consacré son travail de thèse, qui va être publié vraiment à la fin d'année, en décembre 2019, sous le titre « Le scorpion de l'histoire, généalogie au pluriel de Nietzsche ». Ça sera aux éditions Garnier. Et il y a un travail à paraître aussi qui s'intitule « Nietzsche en perspective », dont la date de publication n'est pas encore arrêtée, mais ça sera probablement 2020. Et il a déjà publié plusieurs ouvrages sur Nietzsche, dont un ouvrage collectif dirigé par Bertrand Binoche, « Les historicités de Nietzsche », c'est une publication de la Sorbonne. Il a également publié une édition critique de la seconde dissertation de la généalogie de la morale, en 2018, en édition GF, ça s'intitule « L'invention de la morale », donc c'est un beau petit texte édité avec tout un dossier, c'est vraiment bien fait. Et puis des petits livres aussi du régime philosophique, un petit livre que j'aime beaucoup, malheureusement que je l'ai oublié chez moi, Nietzsche, diététicien, aux éditions Manutius, ainsi qu'un petit texte aussi, un petit texte de Nietzsche, extrait de Ecce Homo, qui s'intitule « Pourquoi je suis si malin ?» donc aux éditions Manutius. Vous devez trouver normalement tous ces ouvrages chez notre partenaire libraire, le Square, qui a fait une très très belle sélection d'ouvrages. Je vous invite aussi à aller les trouver là-bas. Alors, ces recherches l'ont conduit de la question de l'histoire au départ et du sens historique au XIXe siècle à la question de l'esthétique et du sens de l'art contemporain, à partir peut-être du rapport critique que Nietzsche entretient avec la philosophie de l'art en général. Effectivement, qu'est-ce que la philosophie dit de l'art ? Nietzsche se montre très critique vis-à-vis du discours philosophique qui est peut-être trop enclin ou qui trop rapidement, depuis Platon en tout cas, parfois condamne l'art ou le congédie comme un monde des apparences, un monde superficiel. Ou alors au contraire, il voit une sorte de révélation métaphysique du monde ou de sa vérité. Or, l'art ne révèle aucun secret, il n'est pas, comme le pensaient les philosophes de l'idéalisme allemand, l'expression sensible d'une vérité d'essence. Il n'est pas non plus la manifestation de l'absolu. Il ne nous fait pas toucher un monde en soi. L'art est d'abord et avant tout une représentation du monde et nous donne à voir le monde peut-être justement comme d'abord une représentation. Mais si l'art est une apparence, c'est une apparence qui se donne comme telle. C'est peut-être un voile d'illusion qui cache une illusion, en tout cas qui nous aide à supporter la vie, la douleur, le tragique de l'existence. Et peut-être qu'il faut s'abriter derrière des fictions pour supporter le réel. Je donnerai juste un petit passage de La naissance de la tragédie de Nietzsche, où Nietzsche écrit « L'homme ne voit plus désormais partout que l'horreur ou l'absurdité de l'être. Or c'est ici, dans cet extrême danger qui menace la volonté, que survient l'art, tel un magicien qui sauve et qui guérit. » L'artiste, effectivement, est celui qui est capable peut-être de contempler la souffrance essentielle du monde et d'en faire un beau spectacle. Donc l'art ment, Oui, mais c'est un beau mensonge. Et heureusement que nous avons enfin l'art pour ne pas mourir de la vérité, dit encore Nietzsche dans La volonté de puissance. Donc l'art, c'est peut-être une des transformations du monde destinées à y survivre. Et c'est en ce sens que l'art peut être rattaché à un besoin vital. Alors, de quoi l'art peut-il nous sauver à l'heure peut-être du désenchantement généralisé? En quoi est-ce que l'art peut être un renouveau, un lieu de renouveau de l'existence? Voilà, je pense qu'Arnaud pourra nous en dire plus à ce sujet. Merci beaucoup, Anne. Et merci à tous d'être présents un dimanche matin pour philosopher avec Nietzsche. Alors, les notions d'art et de monde ont été interrogées de façon déjà approfondie, et même la notion refaire le monde. Et si vous pardonnez mon attrait un petit peu rigidement professoral à l'analyse du sujet, j'aimerais revenir sur ce verbe refaire qui mérite qu'on s'y appesantisse un petit peu plus. Alors, au sens strict, dans un premier sens, cette réfection du monde serait une reconstitution à l'identique, au moins en première approche, si l'on suit une doctrine un petit peu scolairement caricaturale de la mimesis. Cette idée impliquerait l'idée que l'art serait un trompe-l'œil, un double de la réalité, qui recopierait le réel. Mais en réalité, déjà, si on se penche un petit peu sur ce que ça implique, la mimesis, on se rend compte rapidement que imiter, c'est pas photocopier le réel, c'est dégager des portions saillantes, dégager des lignes de force pour faire apparaître le réel sous une anamorphose qui le transmute. En ce sens, en imitant, on transforme déjà à des fins qui sont l'édification, la libération pulsionnelle ou la critique sociale. Il n'y a jamais donc strictement de réduplication du monde. Voilà pourquoi refaire le monde n'est jamais le dupliquer. En un second sens donc, refaire le monde, c'est, au sens quasiment matériel, le substantif qu'il faut entendre derrière le verbe, une réfection, une sorte de ravalement de façade, si je puis dire. On referait le monde comme on refait sa cuisine lorsqu'elle commence à être un peu décrépite. Alors, dans une perspective d'esthète, ça signifierait que l'art nous aide à refaire le monde en apportant au quotidien des couleurs plus guillerettes, dirais-je, en nous arrachant au quotidien morne et terne, ce qui correspond à peu près à la doctrine d'Oscar Wilde dans Le déclin du mensonge, lorsqu'il explique que le monde nous ennuie parce qu'il s'opiniâtre à répéter sans cesse les formes que l'art innove pour le faire apparaître sous un autre jour. Au sens sociopolitique, l'art nous aiderait à modifier notre rapport au monde par sa puissance de transformation de l'espace, de nos rythmes de vie, éventuellement en désaliénant l'individu des rapports de domination et des processus de standardisation qu'il n'interroge plus comme tel, parce que l'art les fait apparaître avec l'éclat d'une provocation sensible. En ce sens, l'imagination poétique n'est pas une simple complaisance dans un arrière-monde. Et c'est ce que nous fait comprendre déjà Albert Marcuse. On a cité, c'est Jean-Pierre Carlet qui a cité hier l'expérience esthétique. J'ai relevé moi un extrait de Héros et civilisation que je vous lis rapidement. L'imagination envisage la réconciliation de l'individu avec le tout, du désir avec sa réalisation, du bonheur avec la raison. Alors que cette harmonie a été rejetée dans le domaine de l'utopie par le principe de réalité régnant, l'imagination insiste sur le fait qu'elle doit et peut devenir réelle, que derrière la fiction réside le savoir. Les vérités de l'imagination sont d'abord réalisées lorsque l'imagination elle-même prend forme, quand elle crée un univers de perception et de compréhension, un univers subjectif et en même temps objectif. C'est ce qui se passe dans l'art. Voilà pour la seconde voie, la seconde compréhension de la manière de refaire le monde, et j'en dégagerai une troisième, qui consisterait à prendre au sérieux l'expression « refaire le monde ». Peut-être y a-t-il lieu de débarrasser à cet effet l'expression de sa connotation ludique et passablement dilettante. Parce qu'elle suggère une complaisance de nature onirique dans un monde de chimères, alors qu'il n'y a jamais en réalité, explique Nietzsche, que dans le jeu que nous sommes vraiment sérieux. En ce sens, l'art referait le monde, comme nous refaisons le monde entre amis, perdus dans quelques nuits d'ébriété, placés que nous sommes dès lors sous le signe de Dionysos. Après tout, c'est bien sous la tutelle de Dionysos que se placent les interlocuteurs inspirés du banquet de Platon, lorsque Agathon, le maître de Céan, prend le dieu à témoin au moment où Socrate l'accueille par une impertinence. Je cite Agathon, c'est dans le banquet 175e, pour ceux qui veulent aller lire le texte. « Tu es un insolent, Socrate, Toi et moi, nous ferons valoir nos droits au savoir sous peu, en prenant Dionysos pour juge. Mais pour l'instant, occupe-toi de souper. Sans le dire, Nietzsche fait explicitement allusion à ce passage du banquet lorsqu'il écrit dans le paragraphe 19 de La naissance de la tragédie « Tout ce que nous désignons aujourd'hui du nom de culture, d'éducation, de civilisation doit un jour se présenter devant le juge infaillible, Dionysos. » Vous voyez qu'il y a un dialogue implicite ici de Nietzsche avec Platon et on va avoir l'occasion d'y revenir. Dionysos ici désigne l'ensemble des énergies organiques dont dispose la pulsion créatrice de forme, Apollon, pour créer des œuvres d'art. Ces trois perspectives que je dégage, ces trois manières de refaire le monde, indiquent trois types d'attitudes possibles à son égard. Corriger le monde, sauver le monde, ou intensifier son expérience du monde, ce sera l'objet des trois parties de mon propos. La première attitude, je développe très rapidement avant d'entrer dans le détail, c'est celle à laquelle Nietzsche s'est opposé dès ses premières réflexions sur l'art. C'est cette attitude, qu'il attribue à Platon et Aristote. Cette attitude, elle consiste à ravir l'expérience esthétique pour la mettre sous la tutelle d'une autre instance qu'elle-même, en particulier la morale. C'est ce que j'appellerais le ravissement de l'esthétique. La deuxième attitude, c'est l'alternative que propose Nietzsche dans ses premières réflexions sur l'art. Non plus corriger le monde, mais le sauver, en assurant sa rédemption esthétique. L'art nous ferait vivre des expériences extatiques qui nous arracheraient à ce que le monde a d'angoissant. C'est ce que j'appellerais l'esthétique du ravissement, si vous, pour ce que vaut le jeu de mots. Cette attitude, Nietzsche prend rapidement conscience qu'elle confine à la sotériologie, c'est-à-dire à une stratégie de sauvetage, quasiment religieuse. Donc, elle ne parvient pas à penser le plaisir esthétique autrement que comme une expérience d'ordre religieux à l'heure de la mort de Dieu. Fût-elle la religion de l'art, l'esthétique demeure ici religieuse. Voilà pourquoi, troisième attitude, Nietzsche va être amené dans ses œuvres de maturité à revenir sur cette conception sotériologique de l'art, puisque le philosophe doit se prémunir contre une doctrine de l'art pour l'art qui suppose encore que l'art serait autre chose que le monde lui-même. Si le monde n'est donc que la somme des fictions artistiques que nous sécrétons pour le constituer, alors il n'est plus vraiment un champ circonscrit de la culture, avec ses œuvres, ses artistes, ses commissaires et ses musées, mais une sorte d'activité intensive qui est inscrite dans notre propension inexorable à produire des fictions et des simulations. Voilà les trois attitudes que je vais essayer de détailler en répondant à la problématique suivante. Et je vous prie d'excuser le côté scolairement dissertatif de cette manière de procéder, même si, soit dit entre nous, ces excuses ne sont pas tout à fait sincères. Elles relèvent d'une sorte de fiction artistique, elles aussi. Voilà la problématique que je vous soumets. Vouloir refaire le monde, signifie-t-il que celui-ci ne nous satisfait pas, auquel cas il faudrait l'amender ou le sauver, ou bien que nous ne cessons jamais d'en éprouver la profondeur, à l'imitation d'un chef-d'œuvre que nous ne cessons de fréquenter. Auquel cas, nous ne cesserions jamais, en le refaisant, de le faire tout simplement advenir à lui-même. Le suspense est intenable, n'est-ce pas ? J'ironise parce que vous devinez quand même que j'ai déjà donné plus ou moins la réponse. Nietzsche va, dans son itinéraire intellectuel, emprunter les deux voies de cette alternative pour privilégier finalement la seconde. Je donne donc la réponse de Nietzsche, parce que ce qui importe, c'est moins le résultat que les affres de sa parturition. Je fais donc la généalogie de cette thèse esthétique de Nietzsche, qui consiste à étendre l'esthétique à l'ensemble du monde, on va voir ce que ça veut dire, parce que cette thèse est le fruit d'un combat, et espérons-le aussi d'une victoire, d'une lutte intestine, j'ai envie de dire, contre toute l'histoire de l'esthétique occidentale. Ça fait complètement grandiloquent, mais c'est ainsi que Nietzsche le conçoit, et ça peut peut-être prêter à sourire, mais c'est très exactement l'ambition qu'il a. J'en viens donc à mon premier point, le passage d'un ravissement de l'esthétique à une esthétique du ravissement. Dès la naissance de la tragédie, Nietzsche insiste, et il insistait aussi dans ses cours à Bâle sur la tragédie grecque, sur le fait que l'esthétique a fait l'objet d'un ravissement philosophique dès sa naissance, dès que le discours philosophique s'est emparé de l'art, c'était pour l'assujettir à une instance axiologique étrangère à l'art lui-même. Je rappelle à cet effet quelques éléments de la thèse centrale de la naissance de la tragédie pour mettre les choses un petit peu au clair. Premier point, la tragédie grecque est née de l'esprit de la musique comme objectivation scénique des processions religieuses en l'honneur de Dionysos, en tant qu'elle permet une justification de l'existence humaine, malgré son côté tragique, malgré son côté absurde. Deuxième point, et plus précisément, un point qui en fait n'est que la précision du premier, c'est parce que la vie elle-même est tragique qu'elle se trouve par là même justifiée, à l'encontre des lectures modernes de la tragédie, qui lui donnent toujours une fonction morale et qui cherchent toujours à chercher une justification à l'existence du tragique. Le tragique est tragique parce qu'il l'est sans raison. C'est ça que ne voit pas l'esthétique moderne, et c'est ça que ne voyait pas l'esthétique classique, celle de Platon et Aristote. Dans ses premières leçons de bal, Nietzsche s'oppose ainsi, par exemple, à l'interprétation de ses contemporains à propos de Œdipe roi de Sophocle. Ce n'est pas parce que Œdipe a fait preuve de démesure ou parce qu'il a fauté moralement qu'il est condamné à épouser sa mère et à tuer son père. Le tragique, c'est qu'il n'y a aucune raison à son malheur. Il n'y a aucun sens. Voilà qui pourrait faire frémir, mais les Grecs, via la tragédie, explique Nietzsche à ses étudiants, ont su esthétiser la tragédie de l'existence en la sublimant, pour trouver la beauté la même où l'absurdité de la vie semblait la plus radicale. Troisième point, et par conséquent, cette vérité sublime de l'art grec, à savoir qu'il est une justification esthétique de l'existence, Eschyle et Sophocle la donnaient encore à percevoir, mais elle a déjà décliné à l'époque des Grecs à partir, comme vous le savez peut-être si vous avez fréquenté cette première œuvre de Nietzsche, elle aboutit à un déclin avec Euripide, en collusion avec Socrate. Euripide et Socrate ont voulu rationaliser l'esthétique et rationaliser l'écriture du tragique, en faisant en sorte que la tragédie grecque obéisse à une rationalité morale, avec l'intervention par exemple du Deus ex machina qui vient à la fin des pièces apporter une espèce de solution élégante mais parfaitement artificielle au problème du tragique. Quatrième et dernier point, je crois. Oui. La beauté spécifiquement esthétique de l'existence s'est trouvée ainsi occultée par sa théorisation en amont. L'esthétique est devenue, en réalité, l'application d'une théorie philosophique ou d'une théoria, une contemplation d'ordre intellectuel. On a intellectualisé l'esthétique et c'est ça qui consiste à ravir l'esthétique à elle-même. Pour le montrer rapidement, je quitte très momentanément le terrain proprement nietzschéen pour rappeler les quatre points qui me semblent fondamentaux dans l'esthétique de Platon, si esthétique il y a. D'abord, une métaphysique du beau qui assigne aux œuvres d'art le statut le plus bas dans l'échelle des degrés qui doit conduire de la singularité des beaux corps vers l'idée de la beauté en passant par les belles occupations et les belles connaissances, selon un texte célèbre du Banquet. Deuxième point chez Platon, une axiologie de la mimésis qui consiste à assigner pour fonction aux œuvres d'être le plus proche possible de la vérité dans le respect des proportions mathématiques du réel. Ce qui implique nécessairement une dévalorisation de la simulation ou de la fiction. Je passe sur ce point qui mériterait d'être approfondi en réalité, mais disons que c'est la compréhension que Nietzsche a de l'esthétique de Platon. Troisième point chez Platon, une psychologie de l'inspiration restée célèbre, elle est développée dans Ion, qui consiste à expliquer l'enthousiasme poétique comme activité qui échappe à l'artiste, celui-ci n'étant qu'un porte-parole des dieux qui n'a aucun mérite propre, parce qu'il ne maîtrise pas son art. Enfin, dernier point, une pédagogie politique qui dicte aux œuvres un rôle moral et politique qui vise à élever un type d'homme capable d'être à la hauteur de la perfection de cette cité idéale qu'est la République. Dans le cadre de la paideia philosophique que défend Platon, la poésie épique doit servir de modèle pour l'action morale et la musique, de son côté, d'excitant physiologique dans le cadre militaire. Alors, il est sans doute un peu excessif, mais pas tout à fait éhonté, à mon avis, de suggérer que ce ravissement philosophique de l'art, cet assujettissement philosophique de l'art, dont parlera Danto plus tard, il va durer plus de 2000 ans. Puisque jusqu'au XVIIIe siècle, on ne parle pas d'esthétique, et même lorsque Baumgarten crée le terme, c'est encore pour penser l'esthétique, pour l'arriver à une fonction de connaissance qui fait qu'elle est inférieure à la connaissance intelligible. Néanmoins, au XVIIIe siècle, Gotthold Ephraim Lessing invente l'idée d'art pour l'art, c'est-à-dire l'idée qu'on peut appréhender la beauté des œuvres indépendamment de leur fonction morale, religieuse ou politique, mais pour elles-mêmes. Je cite très rapidement un passage du célèbre Lao Kun de 1766. « Je voudrais, écrit Lessing, qu'on appliquât le nom d'œuvre d'art qu'à celle où l'artiste a pu se montrer véritablement tel, c'est-à-dire où la beauté fut son seul et unique but. » L'analyse esthétique qui justifie cette position est restée célèbre. Dans le groupe sculpté intitulé Lao Kun, le personnage éponyme est censé crier, puisqu'il est en train de lutter avec des serpents, et il ne crie pas, non pas, contrairement à ce que disait l'esthétique classique, pour des raisons morales, mais pour des raisons esthétiques. C'est qu'un trou, en sculpture, est par excellence inesthétique. Voilà pourquoi il n'y a pas à interpréter moralement le geste de Lao Kun. Enfin, en l'occurrence, l'absence de cri. C'est à ce moment que peut apparaître, ou plutôt réapparaître, une esthétique du ravissement contre le ravissement de l'esthétique. Je dis réapparaître puisque l'esthétique du ravissement a existé avant qu'elle soit capturée par le discours platonicien. Elle a existé en particulier, on l'oublie trop souvent, dans la poésie lyrique, celle d'Archiloque, qui tient beaucoup à cœur à Nietzsche. Et Archiloque, selon Nietzsche, c'est le poète qui s'exprime non pas en tant qu'individu, mais en tant qu'en lui s'exprime la forme humaine, la forme universelle de l'humaine condition. Réciproquement, l'auditeur esthétique, c'est celui qui est capable de se projeter dans la forme de vie que nous propose l'artiste et de sympathiser avec lui. Lui aussi s'arrache à son individualité, c'est pour ça qu'il est ravi à lui-même. L'esthétique n'a de sens pour le jeune Nietzsche qu'en tant qu'elle nous ravit à notre individualité pour nous faire entrer dans un monde qui est un monde commun et un monde même universel qui nous rachète, qui rachète notre individuation et nous ramène à la racine commune de toute individuation, c'est-à-dire le vouloir schopenhauerien. Dans cette perspective, l'art n'a pas de vocation morale ou religieuse, certes, mais il est tout de même intrinsèquement moral et religieux, en tant qu'il est à l'origine d'une transformation culturelle qui fait qu'il est presque élevé à un statut de religion. C'est ce que Nietzsche va appeler d'ailleurs la religion de l'art dans certains fragments posthumes, et qui croise assez les analyses de Wagner à l'époque du festival de Bayreuth. J'en viens donc à mon second point, cette attitude qui consiste à faire de l'art une religion. Elle consiste à proposer de sauver le monde, dans la mesure où le monde serait la source d'une angoisse, dans la mesure où le monde serait par essence ce qu'il faut sauver, dans la mesure où il est la marque de la souffrance, puisque Nietzsche adopte cette métaphysique de Schopenhauer. Alors, sous l'influence de Wagner, Nietzsche en fait une religion à part entière, même s'il garde des pensées de derrière. En tout cas, il en fait plus exactement une puissance religieuse, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, c'est vrai, puisque l'art est appelé à devenir une nouvelle religion à l'heure où la religion perd de son aura. Je fais une petite parenthèse sur ce point, parce qu'il est important de comprendre que l'annonce de la mort de Dieu chez Nietzsche, c'est quelque chose qui est profondément la marque d'une angoisse, pas du tout d'une réjouissance d'abord. Nietzsche s'inquiète énormément de voir la religion disparaître, parce que ça veut dire que les puissances supra-historiques, les puissances qui donnent du sens à l'existence, vont décliner. Et Nietzsche préfère de très loin la tutelle de la religion au fait de se vautrer dans l'éparpillement sensible, dans l'horizontalité d'un réel fuyant et du divertissement pascalien. La science positiviste, la politique libérale, l'hédonisme moral sont les puits nés de la mort de Dieu. Il faut lutter contre cette atomisation du temps. Et Nietzsche voit dans l'art une religion dans la mesure où l'expérience esthétique, selon lui, permet de refaire en quelque façon l'expérience d'une union avec l'éternité dans le temps et non pas hors du temps. Voilà pourquoi la fiction artistique, elle apparaît d'abord pour Nietzsche comme une sorte d'exutoire, de façon à échapper au monde plein de bruit et de fureur qui ne signifie rien. L'art est un baume, un écran qui nous empêche de voir le torrent du devenir et nous dirige vers une mort inéluctable. J'adopte volontairement un ton grandiloquent qui est celui de Nietzsche, qui va jusqu'à considérer toute l'histoire de la civilisation comme l'histoire des voiles artistiques que, tel un second ciel, les artistes nous poseraient devant les yeux pour pouvoir nous protéger de la vérité, à savoir que rien n'a de sens. Chaque artiste, explique Nietzsche dans ses textes de 1871, est une sorte de Pénélope qui lutte pour dévider son fil et défaire la toile de l'artiste qui précédemment avait triomphé pour broder, pour mettre par-dessus sa broderie originale. L'art est ainsi qualifié par Nietzsche de filet d'illusion, dans la mesure où il confère au monde sa beauté et par suite sa valeur. C'est en ce sens que Nietzsche pourra écrire beaucoup plus tard que sans la musique, la vie serait une erreur, parce que la musique rachète le non-sens de notre existence. L'art remplit donc un office métaphysique. Mais ce jeu risque de se prendre trop au sérieux. Le ton docte de celui qui croit encore aux arrière-mondes existe dans La naissance de la tragédie, même si Nietzsche garde des pensées de derrière, au sens de Pascal, c'est-à-dire qu'il a une réserve et que pour lui, la métaphysique reste un jeu. C'est un jeu dangereux, parce que cette espèce d'unité originaire, on risque de finir par y croire comme un principe métaphysique. Nietzsche est finalement obligé de concevoir l'art comme une sorte de pont qui surplombe le fleuve du devenir. Tant et si bien que la fiction artistique n'est plus appréhendée comme ce qui permet de refaire le monde, mais de jeter pudiquement un voile pour cacher son obscène absurdité. C'est donc un Nietzsche qui est encore incapable d'affronter le monde sur le mode de l'affirmation qui écrit La naissance de la tragédie. Cette métaphysique de l'art, elle a encore un autre défaut, à mon sens, c'est qu'elle insularise l'art, celui-ci paraissant inaccessible pour ceux qui sont restés coincés dans le fleuve du devenir, ceux qui ne sont pas créateurs. Ne pouvant rendre compte de la formation du génie, et Nietzsche demeure tributaire du mythe romantique du génie et, par conséquent, de la conception platonicienne de l'inspiration. Voilà pourquoi il va devoir séculariser de façon plus résolue, c'est-à-dire inscrire dans le monde du devenir, dans le monde séculier, sa conception de la fiction artistique et la penser comme une réalité historique produite à partir du monde commun. Voilà pourquoi on assiste à une sorte de volte-face de la part de Nietzsche au tournant des années 1877-1878, à l'époque d'humain trop humain. C'est le moment où il en vient à penser la science de l'art comme simulation stimulante. Je suis désolé, il y aura une troisième partie aussi. Donc Nietzsche avait commencé par mythifier le génie en nous donnant à nous le sentiment, pauvres spectateurs, que nous ne pourrons jamais nous élever vers un tel aréopage. Il reprenait le concept schopenhauerien de république des génies, et cette république, on avait l'impression qu'elle était jaillie comme Athéna, tout droit de la tête de Jupiter. Il ne rendait pas compte historiquement de la formation du génie, et on avait l'impression que la fiction artistique, elle était la sécrétion spontanée, par génération spontanée, pour ainsi dire, du génie qui, par la grâce de la volonté, apparaissait sporadiquement dans le monde du devenir. Dans cette conception sotériologique de l'art, l'art ne change pas le monde. Ou ne le change peut-être que pour de très rares individus, aérolithes inexplicables dans l'histoire universelle. Voilà pourquoi il en vient, dans Humain trop humain, à dénoncer le mythe du génie inspiré, c'est-à-dire à prendre position contre lui-même. Nietzsche n'est jamais aussi violent contre Wagner et d'autres figures qu'en réalité, il ne vise derrière eux qu'une ancienne figure de son propre moi. Nous faisons l'éloge du génie, explique Nietzsche, désormais du point de vue d'une psychologie morale inspirée des moralistes français, que parce que nous ne voulons pas avoir à rivaliser avec eux et nous voulons nous dédouaner de notre médiocrité. Nous qui ne sommes pas des créateurs, nous faisons des génuflexions face au génie et nous avons créé cette figure religieuse et sacrée, hiératique du génie, pour pouvoir continuer à vivre notre petite vie sans avoir d'émulation, sans chercher à rivaliser avec eux. Donc c'est notre faiblesse qui parle, et c'est notre orgueil qui parle surtout. Par orgueil, nous voulons mettre le génie sur un piédestal et croire qu'il a été touché par la grâce pour ne lui reconnaître aucun mérite, parce que sinon ça signifierait qu'il s'est fait génie historiquement, ce qui veut dire que nous aurions dû pouvoir devenir également un génie, mais nous ne le sommes pas. Voilà pourquoi penser la fiction artistique et la capacité à la créer à partir du monde historique, permet à Nietzsche de penser la simulation, l'état de simulation esthétique comme quelque chose qui doit être beaucoup plus porteur et beaucoup plus communicable. Il faut penser quelque chose de... Si on pense l'éducation esthétique, il faut la penser sur un modèle épidémiologique. Il faut que le génie nous donne envie de créer. Il faut qu'on ait envie de rivaliser avec lui et qu'on se dise « J'aurais voulu écrire ce poème, j'aurais voulu composer cette musique et je peux mieux faire. » Bien sûr, c'est rarement le cas, mais le simple fait de voir les secrets de laboratoire du génie nous fait comprendre que finalement, c'est possible. Et ça nous motive. Et donc, nous nous mettons dans un état de simulation esthétique en nous disant, en faisant comme si, là encore, on a beaucoup insisté sur cette expression, j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu tout à l'heure, nous faisons comme si nous pouvions rivaliser avec lui. Et ça, c'est beaucoup plus porteur. Voilà pourquoi Nietzsche, tendanciellement, va se diriger vers une conception psychophysiologique de l'art qui consiste à penser le créateur et le spectateur comme deux individus qui sont des rivaux dans un état d'émulation comme dans un agone grec, la lutte, la joute, parce que toute création ne peut venir que d'une rivalité intestine. Reconnecter le génie à son terreau historique n'est donc pas du tout un crime de lèse-majesté. Il faut démythifier le génie de façon à ce que le spectateur puisse lui-même s'imaginer qu'il pourrait en devenir un. Cela dit, le génie n'est pas du tout conçu par Nietzsche comme le simple résultat déductible d'une causalité historique. L'explication historique nous fait croire, rétrospectivement, que c'est le cas. Elle aussi est une fiction artistique. Elle aussi participe de cette esthétique. Il faut croire que le génie est déductible de l'histoire, mais on sait très bien que l'histoire n'intervient qu'après coup, pour faire croire que les événements étaient prédictibles alors qu'ils ne l'étaient pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous aussi, désormais, nous pouvons imaginer que nous pouvons imiter, voire dépasser nos modèles au lieu de faire des génuflexions devant eux. Voilà l'essence même du fictionnalisme de Nietzsche qui se constitue ici et qui devient authentiquement esthétique, puisque là où il demeurait auparavant religieux, le génie désormais devient historique. Ce ne sont plus les œuvres d'art qui sont pensées comme des fictions salutaires dès lors, mais c'est l'attitude esthétique qui, pour devenir une authentique expérience esthétique, exige une capacité de simulation de la part du spectateur. Ainsi, même si l'art n'est pas encore pensé comme ce qui refait le monde, il est désormais considéré comme le lieu d'une expérience qui suscite le pathos fondamental qui conduit à penser qu'on est capable de refaire le monde. Comment dès lors penser une activité esthétique qui soit de nature à refaire le monde authentiquement ? Il faut faire un pas de plus, au-delà du soubassement historique des œuvres, et aller jusqu'à déterminer leur provenance psychophysiologique, c'est-à-dire élaborer une généalogie de l'œuvre d'art. Et pour cela, Nietzsche a besoin d'une théorie de l'intensité esthétique. C'est l'objet de mon dernier point, intensifier notre expérience du monde. Élaborer une théorie de l'intensité esthétique, pardon, c'est ce que s'emploie à faire Nietzsche dans ses dernières œuvres, mais tout en respectant le programme déjà fixé par Humain trop humain dans son paragraphe 23, je cite un petit extrait. Un siècle comme celui-ci tient son importance de ce que peuvent s'y comparer et s'y expérimenter côte à côte dans leur diversité les conceptions du monde, les mœurs, les civilisations. Ce qui n'était pas possible autrefois, chaque civilisation ayant son aire toujours localisée, en vertu de ce lien qui attachait genres et styles d'art à un lieu et à une époque. De nos jours, c'est une intensification du sens esthétique qui tranchera définitivement entre tant de formes offertes à la comparaison. Elle en laissera périr la plupart, toutes celles, précisément, que ce sens rejettera. Avec ce texte, il me semble que nous entrons de plein pied dans l'esthétique nietzschéenne de la maturité, qui est une esthétique de l'intensité, une esthétique élargie, dont le principe est l'intensification du sens esthétique, comme le dit mot pour mot Nietzsche. Pour savoir ce qu'il faut entendre par là, il faut d'abord déterminer comment cette intensification est possible. La réponse de Nietzsche est à la fois simple et immensément compliquée à envisager, puisqu'il utilise des formules très choc, très directives, dont on ne sait pas vraiment ce qu'elles impliquent. On pourrait dire, pour résumer un certain nombre de formules nietzschéennes, que ce qui permet l'intensification du sens esthétique, c'est l'expérience vécue de certains univers esthétiques savamment choisis et lentement digérés. Mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Repartons du constat de Nietzsche dans le paragraphe 23 du Humain trop humain, qui s'intitule « Le siècle de la comparaison ». Nietzsche suggère que le 19e siècle, qui est le siècle du sens historique, c'est le siècle où toutes les valeurs morales, où toutes les conceptions du monde, esthétiques en particulier, bien sûr, remontent à la surface. Auparavant, le génie du lieu faisait assigner à résidence les œuvres. Mais le 19e siècle fait comme si toutes les cultures pouvaient dialoguer, comme si dans l'espace comme dans le temps, tout était désormais à disposition. L'expérience esthétique est devenue parfaitement horizontale. il n'y a plus de verticalité, de respect pour des transcendances, ce qui est très dangereux également. Que veut dire s'approprier des univers esthétiques? Ça veut dire simuler, ça veut dire entrer dans une complexion intellectuelle et une perception esthétique du monde étrangère à la nôtre, adopter une forme de vie qui n'est pas la sienne. Il faut faire comme si nous étions Raphaël, Chopin et Schiller. L'idée n'est certes pas de multiplier à l'infini les expériences esthétiques, mais de repérer des univers esthétiques par affinité élective, ceux qui sont de nature à élargir la palette de notre sensibilité dans un sens qui augmenterait notre sentiment de puissance. Disons, pour faire simple, notre sentiment d'exister. Il y a des œuvres qui augmentent notre sentiment d'intensifier l'instant, qui augmentent le sentiment qu'il y a une épaisseur de la durée. Nietzsche définit d'ailleurs l'intensité comme le ralentissement du tempo biologique. La joie procurée par l'art nous arrache au temps du besoin. Elle déforme la trame de notre expérience, comme si la durée de l'expérience esthétique était une résistance au temps fuyant de la quotidienneté. Si donc la vie est l'ensemble des forces qui résistent à la mort et que l'art est l'intensification du sentiment de vivre, il semble indiquer une voie de sortie qui nous arrache fictivement à notre destination mortelle. La fréquentation des œuvres nous donne une expérience et une existence plus longue, dans la mesure où elle nous fait connaître parfois en quelques minutes des états émotionnels ou sentimentaux que l'on pourrait mettre des années à connaître autrement, voire ne jamais connaître du tout. Nietzsche prend donc très au sérieux l'attitude qui consiste à simuler des formes de vie dans laquelle nous n'entrons que pour un moment. C'est pas si grave. C'est comme avec les problèmes philosophiques, il faut entrer dans les problèmes philosophiques comme dans un bain froid et ressortir aussitôt qu'on est entré. Dans la mesure où, de toute façon, vu que c'est brutal, on va s'en souvenir. L'expérience esthétique, elle se survit en nous. Voilà pourquoi, quand nous fréquentons des œuvres d'art, nous faisons comme si nous étions Fabrice dans la Chartreuse de Parme, Alceste dans la pièce d'Euripide, Sainte-Thérèse d'Avila dans la sculpture du Bernin, etc. C'est si vrai, du point de vue nietzschéen, que c'est à ce moment qu'on peut dire que l'art est hors de lui-même. Cette fictionnalisation esthétique opère dans tous les aspects de la vie humaine, donc elle est aussi présente hors de l'art des œuvres d'art. L'art, de ce point de vue, est une puissance de création de monde fictif. Il ne se bande pas à exister sous la forme collectivement objectivée des œuvres d'art. Il est une activité immanente à toute forme de conduite fictionnelle. Endosser des rôles sociaux, se mettre en scène consciemment ou non dans la vie, jouer au gendarme et au voleur, se prendre au sérieux comme moralisateur, créer une vision du monde, tout cela relève d'une fiction artistique pensée comme simulation. Cette attitude qui consiste donc à faire comme si. Bien sûr, une fois qu'on a dit ça, il faut déterminer qu'est-ce qui confère la valeur proprement artistique à une simulation. On connaît le critère de Nietzsche, c'est l'intensification de la volonté de puissance occasionnée par les nouvelles formes de l'expérience que sécrètent les grands artistes. J'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu peut-être, mais pour le moment, retenons simplement que ça veut dire, ça a pour conséquence que les philosophes aussi sont de grands artistes, puisqu'ils sculptent des édifices de pensée dont il importe peu qu'ils soient vrais ou faux finalement, du moment qu'ils nous provoquent et nous stimulent. D'ailleurs, dans la critique esthétique des livres philosophiques, sauf quand on est vraiment un philosophe analytique, qu'on a des critères rigoureux, mais ce qui n'est pas le cas des Nietzschéens, hélas, pauvres de nous, on dit d'une œuvre qu'elle nous stimule, qu'elle nous provoque, ce qui montre bien qu'il y a un critère esthétique dans le jugement qu'on adresse aux œuvres. Lire de la philosophie participe ainsi pleinement à l'approfondissement du sens esthétique que réclame Nietzsche. J'en donne un exemple un petit peu provocateur, qui est l'exemple du mutos, c'est-à-dire du mythe, chez Platon. En dépit de tout ce que Nietzsche lui reproche, il est certain que Platon lui-même est un génie de la fiction, lui qui voudrait les conduire. Il ne les conduit pas du moment qu'il est sous la tutelle du discours philosophique, elle n'est plus mensongère du moment qu'elle contribue à susciter l'éros philosophique. Lorsque Platon fait appel au mythe, il a recours à ce que un philosophe que Nietzsche a beaucoup lu, Friedrich Albert Lange, appelait le point de vue de l'idéal dans son Histoire du matérialisme. Le point de vue de l'idéal, ça renvoie à toutes les stratégies mises en œuvre par les intellectuels et les artistes, qui consistent à, et les scientifiques également, qui consistent à mettre au point des expressions discursives qui donnent le sentiment que sous une forme rationnelle peut s'exprimer le suprarationnel. On fait comme si on tenait un discours possiblement vrai à propos d'une chose sur laquelle on n'a aucune certitude. Voilà ce qu'écrit par exemple Lange à propos du rapport entre sensible et intelligible chez Platon. Schiller a eu raison de rendre visible le monde intelligible en le traitant à la façon d'un poète. Il a d'ailleurs marché sur les traces de Platon qui, en contradiction avec sa propre dialectique, produisit sa création la plus sublime en rendant sensible, dans le mythe, le suprasensible. Kant ne voulait pas comprendre, et déjà Platon n'avait pas voulu comprendre, que le monde intelligible est un monde de poésie, et que c'est précisément en cela que consiste sa valeur et sa dignité. Car la poésie, dans le sens élevé et étendu où il faut l'admettre, ne peut pas être regardée comme un jeu. Elle est au contraire un fruit nécessaire de l'esprit, un fruit sorti des entrailles même de l'espèce, la source de tout ce qui est sublime et sacré. Elle est un contrepoids efficace au pessimisme qui naît d'un séjour exclusif dans la réalité. Alors ce passage, enfin le premier en tout cas, était cité dans la thèse de doctorat de Hans Weinger en 1877 dans un livre qui s'appelle « La philosophie du comme-si », qui est un livre très important où Weinger montre que les philosophes convoquent des fictions philosophiques ou épistémologiques ou morales parce qu'ils ont besoin de postulats de l'imagination pour garantir la véracité ou en tout cas la robustesse de certaines idées. Le traducteur français de Weinger, Christophe Bourriaud, appelle cela la feintise, d'un vieux mot français un petit peu désuet. Ça renvoie à l'ensemble des flexions qu'un individu opère pour n'adhérer pas tout à fait à ce qu'il avance. Non pas qu'elle soit duplicité ou calcul, mais parce qu'il fait comme s'il adhérait pour les besoins de la cause, de manière provisoire et conjoncturelle, à quelque chose pour voir où ça le mène. Exactement comme l'acteur fait comme s'il occupait son personnage, tout en sachant pertinemment qu'il ne l'occupe pas vraiment, qu'il n'est pas le personnage qu'il joue. On est dans une espèce de no man's land esthétique où on ne sait pas si on croit ou on ne croit pas. On se donne, pour ainsi dire, des fictions par provision. L'idée de Nietzsche consiste même à dire que les systèmes philosophiques sont ces produits de l'art ouvragés par les philosophes pour continuer à vivre. Des images du monde, finalement, qui sont comme des poèmes et que les philosophes adoptent à des fins vitales et certainement pas parce qu'ils sont authentiquement convaincus que ce sont des vérités absolues. On peut imaginer qu'il en irait de même des mythes platoniciens. Ce seraient de jolies fables poétiques destinées à utiliser la force rhétorique de l'adversaire du logos, le mythos, au service de l'éros philosophique. Tout cela, c'est de la feintise, et c'est pas tout à fait la même chose que de la simulation, car la feintise consiste à adopter de bonne foi et à des fins instrumentales une perspective qu'elle sait ne pas pouvoir épouser de manière pérenne. Il y a un exemple célèbre qui mérite de retenir l'attention, c'est l'exemple des présocratiques, où Nietzsche, de façon assez belle, dit c'est très bizarre de prendre les présocratiques au pied de la lettre et de croire que Thalès, il croyait vraiment que l'eau était le principe de toute chose, comme si c'était une explication objective, que Héraclite croyait vraiment que c'était le feu, le principe réel de l'explication de toute chose. En réalité, ce sont des principes, ce sont des métaphores poétiques, des principes d'explication analogiques. C'est l'élément de la liquidité qui fournit analogiquement un principe comportemental pour l'ensemble des éléments du réel. De la même manière que le feu, parce qu'il est fluent et inassignable, sert de métaphore fondamentale pour désigner le principe même du devenir. Tout ça, ce sont des métaphores poétiques. Donc les présocratiques sont des philosophes poètes. Mais Nietzsche va encore plus loin. Il soutient que même la science tire de l'art, et de l'art uniquement, sa puissance et son énergie, à ceci près qu'elle est une fiction qui dénie sa fictionnalité. Wagner déjà avait défendu la même idée dans l'œuvre d'art de l'avenir, puisqu'il disait « la science existe sous deux modalités, séparée de la nature et détachée d'elle, elle dégénère et devient une science historique, elle tend à oublier la vie, et à se croire prémunie contre sa propre analyse, alors que la science historique est elle-même un produit de l'histoire, l'historien participe de l'histoire qu'il cherche à écrire. Et c'est seulement par fiction qu'il se soustrait à cette histoire. Parce qu'il ne peut pas tout faire, il faut dire. Il peut arriver, en revanche, que la science se retourne contre elle-même, qu'elle retourne son dard contre elle-même, d'où l'image du scorpion que convoque Nietzsche sans nommer l'animal. La science retourne son savoir, et comprenant qu'elle est un savoir dénaturé, elle revient au terreau matriciel dont elle provient pour comprendre finalement qu'elle n'est que l'expression de l'art. C'est ce qui s'est passé chez Socrate à la fin de sa vie, du point de vue de Nietzsche. Il y a un passage du Phédon qui est tout à fait savoureux où Socrate dit que j'ai fait un rêve bizarre. C'est Ésope qui me demandait de faire de la musique. Fais de la musique, Socrate. Nietzsche dit, mais voilà l'exemple typique, le cas typique. Socrate est rattrapé par sa pulsion artistique à l'imminence de la mort. C'est au moment de mourir que la puissance d'illusion de l'art vient sauver Socrate de son intellectualisme et le somme d'échapper pour un temps au logos. Socrate est ainsi en réalité le remède à son propre poison. C'est dit Nietzsche, le tournant et le pivot de l'histoire universelle. Il est rattrapé à la fin de sa vie par ses instincts artistiques au moment où un rêve étrange lui intime, avant que de mourir, de faire de la musique. La science est donc, de ce point de vue, une fiction qui a réussi à faire croire qu'elle n'en était pas une. Une fiction qui postulait effectivement l'existence d'une réalité qui ne serait pas fictive et qu'elle a appelée, comme on sait, la vérité. Mais Nietzsche va encore plus loin. Un pas de plus, et il apparaîtrait que le monde, non pas dans chacun de ses aspects, mais dans sa constitution même, est une création de l'art. Dans le sens où la fonction fabulatrice consiste à se faire le projectionniste de son propre monde, et de ce point de vue, tous les êtres vivants créent de l'art. Et ce sera mon dernier point. Nous feignons de percevoir les choses comme si elles étaient à peu près stables, à peu près conformes à nos catégories de classification. Tous nous projetons ce que Nietzsche appelle un Weltbild, c'est-à-dire une image du monde qui est conforme à nos besoins et qui est sécrétée par les nécessités organiques de notre perception et de notre vie. Plus que jamais, donc, l'art est ici hors de lui-même, dans la dernière phase de la philosophie nietzschienne de l'art, qu'on appelle la physiologie de l'art. Et on pourrait faire reproche, à juste titre peut-être, à cette conception de la fiction artistique, le reproche qu'elle est débridée. C'est précisément le reproche qu'adresse à Nietzsche Jean-Marie Schaeffer, pour le nommer tout de même, dans son livre « L'art de l'âge moderne ». Assurément, c'est un reproche légitime, puisque à force de présider à toute activité, en s'appliquant à tout, on a l'impression quand même que la fiction artistique ne s'applique plus à grand-chose, et qu'elle finit par ne plus signifier quoi que ce soit. Alors, pour donner peut-être un élément de réponse tout de même, on peut essayer de montrer que ce qu'on appelle le perspectivisme de Nietzsche implique une conception scalaire, en réalité, c'est-à-dire, selon une échelle de degré, de l'activité esthétique. La valeur artistique d'une chose va dépendre de l'intensité vitale dont elle témoigne et qu'elle contribue à transmettre. Voilà pourquoi Nietzsche ne fait pas de la fiction une catégorie ontologique qui pourrait s'appliquer à toute chose de la même manière. Il faut voir aussi les effets qu'elle produit et d'où elle provient. Alors, pour essayer de le montrer très, très rapidement, je voudrais évoquer un point qui est parfaitement méconnu de la pensée de Nietzsche, c'est sa doctrine de l'amour, qu'il a défendue en 1888 dans certains textes posthumes. L'amour, pour Nietzsche, constitue le pathos esthétique fondamental, dans la mesure où, quel que soit son objet, l'amour est toujours l'indicateur d'un amour pour la vie. L'amour est le pathos qui stimule l'individu et le porte à enchanter le monde pour lui injecter de la valeur. L'amour, c'est précisément ce qui nous fait vivre, puisque c'est la force qui donne l'impulsion chorégraphique qui nous fait, pour ainsi dire, danser vers l'altérité de façon à vibrer à son diapason. L'amour est cette force falsificatrice par excellence. Il procède d'une logique de l'élection. Il n'y a pas de raison de préférer un individu à un autre objectivement. L'amour est toujours une élection au sens de la grâce. C'est un concept théologique sécularisé chez Nietzsche. Un gnade, la grâce. Il en parle dans le paragraphe 10 de la deuxième dissertation dans la généalogie de la morale. Élire, c'est accorder la grâce d'une préférence à un être, et dès lors, lorsqu'un organisme projette hors de soi des préférences, il fait comme si certaines choses étaient plus importantes et dignes de lui que d'autres. Puisque la valeur n'existe pas dans le monde, c'est bien l'amour qui l'invente. Aimer est donc une activité par excellence fabulatrice et poétique, c'est pas pour rien que toute l'histoire de la littérature ne parle que de ça. C'est elle qui nous constitue. C'est elle qui institue le monde en tant que monde organique au sein duquel nous nous mouvons selon des préférences et des valeurs. Bon, je pense que je n'ai pas le temps de vous lire ce texte un peu long de 1888 où Nietzsche défend cette conception de l'amour. Mais si tout est art, et même les couleurs des animaux, comme le stipule ce fameux texte, on comprend bien l'inquiétude de Jean-Marie Schaeffer. Si dans le monde organique tout est artistique, du point de vue formel et génétique, en réalité, tout n'est pas artistique au même degré si l'on emprunte un point de vue qui serait un point de vue non pas de la forme mais du contenu, un point de vue qui n'est pas génétique mais généalogique, c'est-à-dire qui concerne le type de forme de vie qui sécrète la fiction en question. Il y a des mauvaises fictions, il y a des fictions délétères. Première chose, il y a des degrés d'esthétisation en fonction de la concentration dont témoignent certaines expériences ou certaines productions esthétiques. Ce qui fait qu'une chose est de l'art à mesure qu'elle déstructure les formes standardisées et fossiles de l'expérience ordinaire. Voilà pourquoi la notion d'art conserve un sens en tant qu'art des œuvres d'art. Nietzsche ne veut pas faire éclater le champ artistique. Il considère tout simplement que l'art, ce n'est jamais que la concentration dans son point d'épuration le plus radical d'une activité qui a lieu de toute façon partout ailleurs. Mais concentrer en soi certaines propriétés esthétiques ne suffit pas de toute façon à faire du grand art. Il y a des œuvres qui sont esthétiques tout en étant mauvaises. Voilà pourquoi le critère d'évaluation de l'art ne recoupe pas le degré d'artisticité, si on peut dire, d'une chose. Alors ce qui permet de mesurer la valeur d'une chose, c'est donc l'intensité de la vitalité dont elle émane et qu'elle contribue à propager à proportion du sentiment de joie qu'elle procure en transformant notre perception de la réalité. Il faut que l'art nous transforme, et dans le sens évidemment d'une intensification de notre sentiment d'exister. Il faut que l'art nous donne le sentiment que notre vie mérite d'être vécue, ce qui a lieu lorsque l'art met un cran d'arrêt au sentiment que le temps va nous happer vers une mort inéluctable. Bien, il est temps pour moi de conclure. Plus que temps même. C'est lorsqu'une œuvre procure ce sentiment d'être les co-créateurs de l'œuvre éprouvée, c'est lorsque l'œuvre donne le sentiment qu'elle est en train de se faire en même temps que nous la vivons, lorsqu'elle donne le sentiment qu'elle n'appartient pas qu'à son auteur, c'est à ce moment-là que le monde se refait en nous. Après tout, l'argot de mes élèves est révélateur lorsqu'ils disent « je suis trop refait ». Cette réfection, elle correspond en un sens au sentiment que nous jouissons nouvellement de notre existence. Cette dernière semble s'apparaître à elle-même sous un jour nouveau, en même temps que le monde se restructure en nous et sous nos yeux. L'art, de ce point de vue, recompose magiquement les modes d'apparition du monde et de notre vécu. Bergson écrit quelque part, je crois que c'est dans le chapitre 3 du Rire, que l'artiste nous a prêté ses yeux ou ses antennes pour nous faire percevoir le monde comme lui, sous une perspective individuelle qui l'arrache au cadre momifié de la perception ordinaire. Cela nous invite à nous rappeler une chose, c'est que sous cette croûte que constitue le tableau du monde ordinaire, se dissimule volcaniquement le magma dionysiaque constitué de tous les mondes qui se bousculent pour jaillir par la grâce de l'art. Cette grâce, c'est celle par laquelle tout être vivant, du seul fait qu'il ait en vie, a été touché. Et cette grâce, c'est celle par laquelle nous éprouvons, en lisant Nietzsche, que l'art et la philosophie, via la fiction, finissent par se rejoindre. Je vous remercie. Un grand merci Arnaud pour avoir fait souffler sur la salle de la Richardière le souffle dionysiaque finalement et nous avoir rappelé que l'art est le grand stimulant de la vie, qu'elle transfigure l'existence. Mais si je te suis bien, et peut-être il y aura des questions dans la salle, au fond, puisque l'art ne refait pas vraiment le monde, mais le monde ne serait rien d'autre que la manière dont les artistes peuvent projeter les différentes images qu'on peut se faire du monde et reconfigurer le monde. Peut-être tu peux... Oui, effectivement, c'est une idée qui est un petit peu contre-intuitive. C'est que le monde n'existe pas. Il y a des mondes, et en plus des mondes mouvants, qui sont jamais fossilisés. Bon, pour les besoins de la pratique et de l'action, nous avons un monde commun qui est à peu près standardisé de la même manière, comme l'explique très bien Bergson, mais que de façon sous-jacente, le moi profond, lui, a des préférences, des valeurs et des manières de se projeter hors de lui-même qui sont uniques en son genre. Et de ce point de vue, il y a autant de monde qu'il y a d'individus. Et même d'individus qui sont des individus pris eux-mêmes dans un processus d'individuation incessant. Alors, cela dit, juste, il y a une nuance à apporter, bien entendu, c'est que l'artiste, l'artiste, c'est celui qui prend un revers, ce processus d'atomisation de la mondanéité, puisque chacun serait prisonnier de son monde. Ce serait une monadologie lamnicienne sans Dieu, si on était vraiment rivé à son monde. L'artiste, c'est celui qui opère un déplacement, qui crée des mondes communs, qui ne sont pas le monde commun, justement, qui sont des mondes communs destinés à fédérer certains individus autour de certaines préférences, pour racheter cette espèce d'éparpillement.